chats qui ne sont plus là. Ils étaient trop choux avec leurs yeux doux. Je les aimais fort, mais ils sont tous morts. Mais attention à toi.